Djibril, tu viens avec moi, s'il te plaît, tu prends tes affaires. Bon, c'est toujours le même. J'allume le bigot, mais personne ne répond. Chargé le peupon, je marche entre les tombes. Pour remplir le frigo, faut pas qu'on fasse des cons. Je vois plus de zéro quand c'est la décompte. Faut pas qu'on fasse les cons, pas qu'on fasse les cons.